Il est des phénomènes que beaucoup de parents constatent chez leurs enfants dans les premières années de leur scolarité. C'est que subitement, l'enfant découvre une autre autorité que la leur, plus grande, beaucoup mieux informée, sachant beaucoup plus que papa et maman. Il s'agit de celle de la maîtresse. Quand nos petits nous disent avec un absolu parfois déconcertant « Mais maman, c'est la maîtresse qui nous l'a dit !» nous découvrons, peut-être avec un certain sentiment de dépit, que nos enfants accordent davantage de crédit à la parole de leur maîtresse qu'à la nôtre. Oui, que nous le voulions ou non, nos enfants sont devenus en quelque sorte disciples de leur enseignante. Le mot « disciple » veut dire « élève », celui qui reçoit, celui qui suit. Il est bien vrai que chez l'enfant cette phase passe relativement vite. Mais l'homme adulte, lui aussi a ses maîtres, lui aussi très souvent devient disciple d'hommes de tous bords. Avant la venue de Jésus-Christ, au temps des grands philosophes grecs, que de maîtres, que de disciples, pensons à Platon, Épicure, Zénon, Socrate et d'autres. J'aimerais dans cette série d'émissions vous parler de disciples. Pas de ceux des philosophes, ni de ceux des politiciens ou encore des grands penseurs contemporains, non. J'aimerais vous parler des disciples de Jésus-Christ. Ceux des évangiles et des actes des apôtres, ceux d'aujourd'hui et de tous ceux qui à l'heure actuelle peuvent encore le devenir. Vous dites peut-être que cela ne vous intéresse pas, puisque vous avez d'autres façons de voir. Il y a tant de gens qui ont d'autres façons de voir. Il y en a tant qui ne s'y intéressent pas, et pourtant ce sujet est de leur, que dis-je, est de votre plus grand intérêt. Ne voulez-vous pas rester à notre écoute, au moins pour pouvoir en juger? Nous prendrons comme exemple les disciples du Nouveau Testament. En lisant les évangiles, nous en découvrons de toutes sortes. Nous rencontrons d'abord les disciples de Jean-Baptiste, lui-même précurseur de Christ, les disciples des pharisiens, religieux, sévères, formalistes, les pharisiens eux-mêmes se déclarant être disciples de Moïse. Nous voyons aussi une foule de disciples qui suivaient également Jésus. Mais il faut le dire, tous n'étaient pas convaincus. Écoutez ce que nous dit l'Évangile. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et un peu plus loin, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » Étaient-ils vraiment des disciples ? Où étaient-ils de simples accompagnateurs? Ah, il y a encore des disciples secrets. Par exemple, Joseph d'Arimathée, que nous ne rencontrons que le jour de l'ensevelissement de Jésus-Christ. Et avec lui, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus. Êtes-vous, chers auditeurs, dans cette catégorie par crainte de ne pas être compris de votre famille ou à cause des conditions de votre pays? Ajoutons enfin les disciples les plus connus, les 12 auxquels le Seigneur a donné le nom d'apôtres. Observons dans l'évangile de Jean les circonstances dans lesquelles les premiers hommes sont devenus disciples de Jésus-Christ, et nous constaterons que quelqu'un leur a indiqué le chemin à suivre. Mais qui? Et de quelle façon? Je viens de dire que l'on trouve dans l'évangile des disciples de Jean-Baptiste. Si nous rencontrions cet homme de nos jours, nous le trouverions pour le moins bizarre, habillé d'un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Il se tenait dans le désert. Il n'était pas non plus du genre diplomate, puisqu'il traitait le haut clergé de « Raste vipère !» Au roi Hérode, il n'a pas peur de dire « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère !» Toutefois, Jean-Baptiste était venu de la part de Dieu. Sa naissance a été surnaturelle, son ministère extraordinaire. Il annonçait la parole de Dieu, et autour de lui s'est formé un groupe d'hommes acceptant et partageant ses vues et ses paroles. C'était ses disciples. C'est eux qui ont entendu cette déclaration fantastique lorsque leur maître a présenté Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La religion de ces hommes, des juifs pratiquants, tournait autour des sacrifices. Ils savaient l'importance de l'agneau pour leur culte, puisque matin et soir, chaque jour, deux agneaux devaient être sacrifiés en holocauste. Ils connaissaient parfaitement le récit de la première Pâque, où le sang d'un agneau avait été appliqué à la porte de chaque maison des Israélites. Ils savaient que c'était le sacrifice de cet agneau qui marquait la libération de leur peuple de l'oppresseur égyptien. Ces hommes paraissaient également comprendre que les sacrifices que leur prêtre offrait préfiguraient un sacrifice plus grand et plus parfait. Et voici que ce sacrifice, avec un grand S, se trouve devant leurs yeux. Leur leader spirituel l'affirme avec conviction. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle vérité transcendante! Celui qui leur est présenté ôte vraiment le péché. C'est de cela dont ils avaient besoin. Et vous, mon ami auditeur de ce programme, aucun vaccin, aucun remède, aucune œuvre de votre part ne peut ôter le péché. Jésus seul le peut. Le lendemain, Jésus a rencontré Philippe et lui a dit « Suis-moi ». Plus tard, il a interpellé Simon et André au bord de la mer. « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » L'appel est précis. Il a retenti non seulement pour Philippe, pour Pierre et André, Jacques et Jean, pour Lévi, mais il a retenti pour des hommes et des femmes de toute race, de toute classe, de toute condition. Ce programme de radio aimerait premièrement vous indiquer Jésus-Christ comme seule solution pour ôter tout péché. Deuxièmement, il aimerait vous faire entendre sa voix qui dit « Suis-moi ». Cher auditeur, nul ne peut être disciple du Seigneur Jésus s'il n'a pas répondu à son appel. Et nul ne peut répondre sans comprendre qu'il a besoin que ses péchés soient ôtés. Permettez-moi de revenir à ces hommes, disciples de Jean-Baptiste. Ils quittent leur maître pour suivre Jésus. Alors, à brûle-pourpoint, Jésus leur pose une question. Que cherchez-vous ? Quelle question ! Je prends la liberté de vous la poser à vous. Que cherchez-vous ? Argent, succès, un nom, il vous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il vous promet formellement. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ne voulez-vous pas venir ? De qui êtes-vous disciple ? Êtes-vous vraiment disciple de Jésus-Christ ? Vous pouvez le devenir aujourd'hui, là où vous êtes, en écoutant votre radio dans la voiture, sur votre lit de maladie, dans votre maison confortable, dans un lieu de souffrance et de misère, au sein de difficultés matérielles ou morales, assoiffé de plaisir, ou, qui sait, écœuré de la vie. Il y a bon nombre d'années, dans un quartier ouvrier d'une grande ville, une dame à la porte d'une salle a invité les passants à venir écouter l'Évangile. Arrive un homme, il est éméché. Lui aussi reçoit l'invitation. Il répond qu'il n'est pas en état et qu'il reviendra un autre dimanche. Le dimanche suivant, il passe dans la même rue, à peu près dans le même état. Il retrouve la même dame qui lui fait la même invitation. Et cette fois, il ne voit guère d'échappatoire et un peu malgré lui, il entre. La bonne nouvelle de celui qui ôte le péché du monde est prêchée. Et notre ami brésilien dans la grande ville de São Paulo vient à Jésus-Christ tel qu'il est. Il répond à l'appel du Maître, devient disciple de Christ. Et depuis des années maintenant, il prêche à son tour la bonne nouvelle de celui qui ôte le péché du monde. dans ce gigantesque Brésil. Il est comme un poteau indicateur, aidant hommes, femmes, jeunes à devenir disciples. Et cela fort de la promesse de Jésus-Christ. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voulez-vous répondre à son appel? Ne voulez-vous pas aussi devenir disciple de Jésus-Christ?